Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous vous proposons pour cette deuxième demi-heure une petite revue d'actualité scientifique. Alors on va commencer avec Valérie qui va nous proposer une actualité express des universités du Québec. Oui, et je vais commencer par l'Université McGill où des chercheurs ont collaboré à un numéro thématique de la revue Philosophical Transactions of the Royal Society et le thème du numéro était l'évolution rapide. Alors on croit toujours que l'évolution, ça se déroule sur des milliers, voire des millions d'années. Or, parfois, eh ben, il suffit de quelques décennies. Et parfois, parce qu'il modifie l'environnement, l'humain est le catalyseur de cette évolution rapide. Donc, les changements environnementaux exercent une forte pression de sélection qui implique parfois une adaptation rapide de la part du vivant. Et est-ce que tu as des exemples de cette évolution rapide? Ben, il y en a un très connu, en fait, c'est celui de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et alors, si on monte après à une échelle supérieure, ben, on trouve en milieu agricole des insectes ou des plantes qui deviennent résistants aux pesticides. Mmh. Et même en ville ou en milieu industriel, on peut trouver des espèces qui s'adaptent aussi à la pollution. Un autre exemple aussi, c'est avec la pêche commerciale. Donc en fait, là, les poissons adultes qui sont pêchés, bah forcément, ils sont pêchés, ils ne se reproduisent plus. Donc pour que la pollution se maintienne, ça induit une pression de sélection qui tend à sélectionner les poissons capables de se reproduire jeunes. Et bah, ce faisant, ces jeunes poissons qui se reproduisent engendrent des poissons plus petits. Donc là aussi, on a une pression une sélection rapide liée à la pêche commerciale. Mmh. On va maintenant à l'Université de Montréal avec une recherche sur l'immunité. Oui, et là, il s'agit d'une recherche en collaboration de l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université Duke et l'Université Emory, toutes les deux aux États-Unis. Et cette étude a été publiée dans la revue Science. Donc là, les chercheurs, ils ont découvert que le système immunitaire est influencé par le statut social. Donc si on prend deux individus qui ont le même accès aux ressources alimentaires, aux mêmes soins de santé, qui ont les mêmes comportements, mais qui n'ont pas le même statut social, eh bien, ces deux individus n'auront pas la même réponse immunitaire face aux infections. La réponse sera moins bonne pour un individu qui a un statut social précaire. Et qu'est-ce qu'on entend par un statut social précaire? Alors en fait, l'étude n'a pas été faite sur des humains, elle a été faite sur des femelles macaques. Donc c'est des singes qui vivent en groupe. Et dans le groupe, les femelles occupent un rang. Donc c'est ça, le rang qu'elles occupent, c'est le statut social. Donc c'est un peu comme dans une meute de loups. Bon, il y a le loup, la louve alpha, et puis ensuite viennent la louve bêta, etc. Donc c'est ça, le rang hiérarchique de l'animal. Donc les chercheurs, en fait, qui travaillent avec des macaques, ils ont formé 9 groupes de 5 femelles et ils ont observé la réponse immunitaire de chacune de ces femelles. Ensuite, ils ont reformé les groupes pour les faire différemment et en reformant les groupes, ils ont changé le statut social des femelles et ils ont regardé à nouveau la réponse immunitaire. Et là, ils ont vu que la réponse immunitaire d'une femelle change avec son statut social. Quand on l'a mise dans un autre groupe, elle avait un autre statut social parce qu'elle a rencontré une alpha, une femelle qui était plus imposante qu'elle. Et donc son statut social change et en même temps sa réponse immunitaire. Et en fait, elle se détériore, la réponse immunitaire se détériore quand elle descend dans la hiérarchie. Eh bien, intéressant. Hein? Mmh. Et pour terminer, une petite nouvelle de l'Université Laval. Oui, et là, on va changer complètement de domaine pour s'intéresser à l'architecture avec une étude de l'École d'architecture qui est à paraître dans le numéro de janvier de la revue Biosources. Donc là, les auteurs se sont intéressés au confort ressenti par des personnes en présence du matériau bois dans une pièce. Donc, ils ont comparé deux salles de classe de l'Université Laval, une avec plancher, mur et mobilier en bois, et l'autre avec du mobilier, un décor plus conventionnel, comme par exemple du beau linoléum au plancher, par exemple. Et ils ont mesuré le confort thermique, le confort acoustique et le confort visuel, avec différents appareillages. Alors, le confort thermique et acoustique est le même dans les deux pièces, mais les chercheurs ont trouvé une différence pour le confort visuel. Donc, il faut préciser que les deux pièces avaient la même orientation, étaient toutes les deux orientées nord-est et avaient des murs pleins de fenêtres, donc elles recevaient le même éclairage naturel. Mais dans la pièce, en bois, dominaient des teintes marron qui donnaient une ambiance chaude et chaleureuse, alors que dans la pièce conventionnelle, avec des matériaux artificiels, il y avait une teinte bleutée qui donnait une ambiance plus froide. Mmh. Donc peut-être à méditer pour le confort des élèves, peut-être, effectivement, mettre un peu plus de bois.